match, et la Watt a tout terrain. Avant de plonger le liège, profiter de face qu'on lit. Mais où j'ai le fouché, Watt, comme si. Parle au maximum, sur mon demi-tour, y'a pas photo. Rost avance avec sa femme, il y a max pour la classe. Je sors le mec, ouvre les axes, qu'on lit, prends le risque. Sors du zéo comme que prends le fisc. Taxe à max, plus la TVA, j'ai ma bouillée comme le match ou MVA. La réussite génère la jalousie, alors ils ont mis Bernard au tapis. Tandis que la vraie magouille pour la cour, les magistrats corrompus. Gouvernement corrupteur, monte les impôts pour les pôles, ventre cher, mais c'est le prix à payer. On met fin aux affaires douteuses de l'État, ici c'est pas assez. L'hélicoptère fait disparaître lors de des vacances au ski, manger du riz au Tibet. Voilà comment je prends le peu pour les deux baies. À la mairie de Poirie, l'État représente la première mafia. Au-dessus de loi, c'est la première caïra. Le peuple n'est pas une pute ou un pion con manipulé. J'étais sur le trottoir, prostitué tard le soir sur le boulevard. L'État représente la première mafia. Mafia. Au-dessus de loi, c'est la première caïra. Caïra. L'État représente la première mafia. Mafia. Au-dessus de loi, c'est la première caïra. Caïra. L'État représente la première mafia. Mafia. Au-dessus de loi, c'est la première caïra. Caïra. L'État représente la première mafia. Mafia. Au-dessus de loi, c'est la première caïra. Caïra. On veut réduire Kiarl au niveau zéro. Pour ces vérités qui dérangent, très à voix de piston comme ce fiston, mon papa n'est qu'un petit commerçant qu'on étouffe tous les jours avec les taxes à max. L'État n'aime pas les pauvres, préfère piquer leur thune pour grossir les comptes en Suisse des riches qui, de jour en jour, s'enrichissent à nous à volibon. Ça se met content, j'ai les nerfs à vif, atteint la psychophase. On foie le Kaira, grimpe plus en tasse. Le MC représente aujourd'hui mon spécial. Ouais, ouais, la pression, mon cerveau se place dans les sillons. Et sinon, ces conditions, pas un flingue, pas d'hésitation. Ah putain, qu'on est machiné, excité. L'État représente la première mafia. Mafia. Au-dessus de loi, c'est la première Kaira. Kaira. L'État représente la première mafia. Mafia. Au-dessus de loi, c'est la première Kaira. Kaira. L'État représente la première mafia. Mafia. Au-dessus de loi, c'est la première Kaira. Kaira. L'État représente la première mafia. Mafia. Au-dessus de loi, c'est la première Kaira. Kaira. Libéré, Bernard Tapie.